Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film Disney pour s'amuser. Chloé, une petite chienne chihuahua très chic, vit à Beverly Hills dans le luxe et les privilèges. Elle remarque à peine Papi, un pauvre chihuahua qui n'a Dieu que pour elle. Lorsque Chloé se perd accidentellement au Mexique, c'est une catastrophe. Seule, pour la première fois de sa petite vie de chienne gâtée, elle va heureusement se faire aider par un berger allemand débrouillard et retrouver Papi qui vole à son secours. Bienvenue chez les gens riches et célèbres. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Non, pas à toi, Patrick. Où personne n'est aussi chouchouté et privilégié que le chihuahua de Beverly Hills. Mais Papi est le seul chien qui soit son propre maître. Si tu as besoin de quelqu'un pour s'allonger à tes côtés, ça me ferait très plaisir, Nicolas. Je m'apprête à te confier celle qui est mon plus cher trésor. Prends-en soin. Mais tout le monde est sur le point de perdre le nord. On part en voyage. Le Mexique! Hola et adios. T'es où, mon amour? D'un jour à l'autre, la chienne la plus chouchoutée de Beverly Hills se retrouve à 1500 km de chez elle. Tu parles pas l'espagnol, chica? Pourquoi je parlerais l'espagnol? Parce que tu es aussi guagua, señorita. Mais je savais pas que c'était ta copine, c'est le Meguan qui m'a dit de la voler. Walt Disney Pictures présente... Le plus grand film chihuahua... Buenos dias! ...de tous les temps. Le chihuahua de Beverly Hills. Salut, t'en vais bien? Je peux lui parler une petite seconde? Oui, bubu! Le chihuahua de Beverly Hills, un DVD Disney.